chuchotant par toute la contrée. En ce temps-là, vous rêviez d'immensité, vous sacrifiez à l'autel des vanités. Les gens de bien vous prennent pour demeurer. Sodome a fait des hommes naufragés, passant d'argile, égarés dans la cité. Le regard vide, affamé comme des loups. Amis présents, je me souviens de vous. Car chacun creuse et creuse son sillon. Qu'importe l'heure, le jour ou la saison. La poésie fait reculer la barbarie. Entendez-vous tous ces cris dans la nuit? Il fait si bon à vivre calfeutré. Mais une clameur monte dans la cité. Fermez donc vos volets pour vous faire oublier. Ce sont les gueux qui veulent